Au pays des Indiens Trios, les Batés. Nous étions dans la zone neutre inhabitée, située sur le Tapanahoni, entre le pays des Yuka ou Noirbauche hollandais et les territoires inconnus des Indiens Trios. Sur la rive droite du fleuve, à son confluent avec la rivière Prati, dans un décor de rêve tropical, nous avons établi notre campement, composé de 3 cases couvertes de feuilles de palmier. Ce confluent, ou petit promontoire, était soutenu par des blocs énormes de diorite, cette roche granitoïde verte à grains fins qui sert encore aux coulées et aux trios rebelles à toute civilisation et à toute sociabilité quelconque avec les autres tribus, à la confection de ces haches en pierre polie que l'on trouve dans leurs anciens campements. Au-dessus de nos têtes, 3 étages de végétation. D'abord des palmiers et des fougères, ensuite des golettes, des maos, des wakapous, au tronc droit tels des fûts de colonne, des wapas, dont les fleurs roses retombaient en pendeloques au bout de leurs longs pédoncules, un énorme pied de gaïa dont les fèves parfumées jonchaient le sol et nous embaumaient d'une odeur subtile et si pénétrante qu'il faisait bon dormir et rêver dans son hamac. Au-dessus encore, à 35 et 40 mètres de hauteur, un magnifique cèdre et un pied de grignon dont le tronc avait 10 mètres de circonférence à la base. Autour de nous, des balisiers en fleurs, les grandes feuilles vertes des balourous complétaient ce féerique décor. À nos pieds, un banc de sable fin pailleté de l'or et de l'argent des micas descend en pente douce comme un riche tapis vers les eaux limpides qui ruissellent doucement, laissant voir les poissons confiants qui se jouent dans leur profondeur. Les 2 pirogues contenant nos provisions ont été garées à l'ombre dans la crique Prati. Plus loin, en face, notre horizon est borné par les feuillages de la rive opposée dominée par un mont boisé où, dans l'amphithéâtre des branches, on voit s'ébattre et cabrioler des bandes joyeuses de singes. À droite et à gauche, la rivière lumineuse, éclatante sous le soleil de midi, ou changeant de teinte, se moirant, s'irisant, miroitant, glauque, striée d'opale ou d'améthyste dans la brise du matin ou dans le calme du soir. Et les volées d'oiseaux au plumage d'émeraude et de rubis, les vols des perroquets babillards, les grands aras bleus ou rouges, par couple, qui vont d'une rive à l'autre, les ibis au vol lourd, les martins pêcheurs rapides qui passent vers l'amont ou l'aval, et les aigrettes qui parsèment de ci de là les rivages comme de grands lys blancs. Si l'on ajoute à cela que le gibier et le poisson abondaient de telle sorte que sans beaucoup de peine nous pouvions nous en procurer à notre choix, on comprendra la raison pour laquelle, depuis 3 jours déjà, nous coulions des jours heureux dans ce paradis terrestre, loin des soucis et des traces de la vie civilisée. Ah, que je vous plains, joyeux citadin, qui vous plaisez tant à admirer la grandeur, la régularité et l'esthétique de convention des œuvres de vos semblables, les lignes d'un palais, la mécanique d'une automobile ou les tons d'un beau tableau et qui n'avez su ni pu admirer l'incomparable et divine beauté de la nature vierge. Midi. Après un copieux festin de pimentade d'aïmara et de rôti de patira arrosé de jus de komu et de quelques bons coups de tafia, mes compagnons dorment ou fument la pipe étendus dans leur hamac. Moi-même, allongé comme eux, je m'abandonne à la torpeur de la sieste quand une voix crie « Une pirogue, les Indiens !» À ce mot indien, les hamacs se secouent, tout le monde est debout. Nous regardons une pirogue de forme singulière montée par 3 Indiens nus qui s'avancent rapidement vers nous venant de l'amont. Je recommande le silence et le calme, et m'avance le premier en avant et sans armes sur le banc de sable. Pour inspirer plus de confiance à nos visiteurs, comme tout bon Caraïbe bien stylé, je demeurai debout, immobile et muet sur le rivage, les regardant s'avancer, quand à ma grande stupéfaction, l'Indien qui gouvernait la pirogue me salua d'un « Bonjour, monsieur !» Et comme stupéfait, j'ébauchai de la main un vague bonjour, croyant avoir mal entendu, il montra ses dents blanches dans un sourire qui contrastait étrangement avec la réserve hautaine et froide de ses 2 compagnons. Ceux-ci dressèrent soudain leur haute taille au moment où le canot venait de toucher le sable. Ils descendirent tous les 3 dans l'eau jusqu'à mi-jambe. Ensuite, d'un même élan de leurs bras musculeux, ils halèrent le canot à sec. Toujours avec le même flegme, ils débarquèrent leurs provisions de viande et de poissons boucanés, de couac, de farine de manioc cuite, de cassava, puis ouvrirent leur pagara et commencèrent devant nous une toilette sommaire qui consistait en une espèce de bonnet en écorce flexible, l'enveloppe des fruits du Komo avant leur maturité, surmontée d'une plume d'aigle, une ceinture d'écorce de Mao et des bracelets et des jambières analogues ornées de bouquets de plumes versicolores. Ensuite, ils prirent leurs armes, l'un un énorme casse-tête en bois dur et l'autre un arc immense en bois violet poli de 3 mètres de haut, avec une poignée de flèches d'égale longueur. Ils étaient en tenue de gala et muets, les yeux fixés sur leur compagnon qui m'avait interpellé, ils attendaient. Ce dernier avait revêtu un magnifique paletot en peau de loutre que n'auraient pas dédaigné nos belles du boulevard et s'était coiffé d'un bonnet de même fourrure. Il s'avança vers moi et souleva son bonnet. « Bonjour, monsieur. Bonjour. Vous croyez voir en moi un Indien parce qu'au moyen d'un produit bien connu de mes compagnons, j'ai fait disparaître ma barbe, ce qui m'évite la peine de me raser. Je suis blanc et européen comme vous. Pour le moment, je suis l'interprète de mes deux compagnons, Eroka et Imanu, qui sont députés auprès de vous par le Tamushi, le cacique des Trios. Ils me nomment Tamuna. Dites-leur qu'ils soient les bienvenus chez nous et invitez-les à venir s'abriter du soleil sous nos cases. » Tamuna s'entretint un moment avec ses compagnons et se tournant vers nous. « Ils vous remercient beaucoup de votre aimable invitation qu'ils ne peuvent accepter. Ils sont venus seulement vous prier de la part de leur grand chef de ne pas pénétrer sur leur territoire parce qu'une prophétie d'un de leurs anciens caciques leur annonce que le jour où un chef blanc franchira le Sotakiti, qui sert de limite à leur tribu, de grandes calamités s'en suivront, à moins que ce blanc ne jure sur les esprits et devant le grand conseil qu'il renonce à tout jamais à retourner vers ceux de sa race et se fasse indien comme moi en se mariant avec une fille de leur tribu. La demande que vous me posez mérite réflexion et je vous prie de me laisser jusqu'à demain pour vous donner une réponse. » Tamuna leur transmit mes paroles. Ils eurent comme un sourire malin, acquiescèrent tous les deux par un mouvement de tête et l'un d'eux, montrant le soleil, dit « Le Tamushi blanc est sage. Demain, à midi, nous aurons sa réponse. » Alors, toujours avec le même flegme, ils déposèrent leurs armes dans le canot, enlevèrent leurs plumes d'aigle et leurs autres ornements qu'ils replacèrent dans leur pagara. Tamuna, lui, qui ne croyait que médiocrement aux prophéties et aux esprits, nous suivit à l'ombre dans nos cases où il accepta un verre de vin de Bordeaux et du tabac français qu'il trouva inférieur à celui des Trios, dont il nous offrit quelques feuilles. Il me confirma, quand nous fûmes seuls, qu'il y aurait danger pour moi à dépasser le Sotakiti, que sans lui, je risquais fort de ne jamais retourner en France, puisque n'ayant pas d'interprète, je n'aurais pu m'entendre avec les Trios, qui nous auraient surpris la nuit et nous auraient impitoyablement massacrés. Tout cela était dit et exprimé dans le français le plus correct, avec un accent indéfinissable, par ce pseudo-indien assis en face de moi dans un hamac. Je regardais et analysais cet homme encore jeune et robuste, 40 ans à peine, aux yeux noirs très vifs, aux cheveux noirs, à la peau tannée par les pluies et le soleil, que 10 ans de vie indienne avait complètement transformé au point que l'œil le plus exercé n'aurait su reconnaître en lui les vrais caractères de sa race. Était-ce un forçat évadé des pénitenciers de notre Guyane, ou simplement un déserteur ou encore un de ces hardis prospecteurs qui vinrent tenter la fortune dans le haut Maroni du temps de l'Awa, disparu ou capturé dans la forêt par les Indiens. Il devina ma pensée. « Vous voulez savoir qui je suis ? » dit-il avec lassitude. « Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. » Il eut un silence. Ses yeux noirs étincelèrent, et son regard me pénétrant jusqu'au fond de l'âme, il dit en se levant « Sachez seulement que je suis un honnête homme. » « Je le crois, » dis-je, convaincu, en lui tendant la main. Il la serra fortement dans les siennes. « J'admire les Indiens qui observent la foi jurée, et je les aime. Je vais rejoindre mes compagnons. Je vous en prie, restez, » lui dis-je, sans lâcher sa main et le forçant à s'asseoir. « Vous le voulez, mais tout ce que je pourrais vous dire, répondant à toute question que vous puissiez me faire, ne vous apprendra rien de moi, parce que, je vous le répète, vous ne pourriez pas me croire. Qu'il vous faudrait des preuves que je ne puis ni ne veux vous donner. Vous ne sauriez me comprendre, vous, incivilisé. Un civilisé qui aime la forêt vierge et les Indiens comme vous, puisque je passe la plus grande et la plus belle partie de ma vie avec eux et chez eux. Je parle de ceux qui n'ont pas encore été gâtés par le contact de notre civilisation, de nos mensonges, de nos vices et de nos maladies contagieuses. Mais cela ne m'empêche pas d'aimer aussi ma race, mon pays, ceux qui me sont chers, et celle, surtout, qui m'attend là-bas. Deux larmes, effrayantes d'être imprévues, comme le serait celle d'un visage de bronze, emplirent les yeux de Tamouna qui baissa la tête, croyant ainsi me les avoir dissimulées. Les deux mains à son front, les coudes sur ses genoux, au bout d'un instant il parla. « Là-bas, oui, là-bas. Richesse, honneur, haute naissance, jeunesse et beauté, je pouvais disposer à mon gré de tout cela. Mais quand je connus toutes les lâchetés de nos mensonges et de nos trahisons, toutes les hontes de nos vices et tout ce qui s'ensuit, je fus malheureux, si dégoûté, que je résolus de m'évader de la vie par un suicide comme... Mais outre que le suicide est lâche, je me décidai plus simplement à m'évader de la vie civilisée pour aller sous d'autres cieux, dans des pays neufs, accomplir ma vie avec plus de calme et de sérénité. Je changeai de nom, je fis disparaître tout ce qui restait de mon passé, et, inconnu, ayant dans mon unique balise une fortune considérable, je partis. Dans un port que je ne nommerai pas, j'équipai un navire, et avec quelques aventureux compagnons nous voguâmes vers l'Amérique du Sud. Bientôt je quittai ces hommes, qui avaient fondé une petite colonie. Je leur laissai mon navire, et de pays en pays, de tribu en tribu, de la plaine à la montagne, et de la montagne à la plaine, j'ai traversé à pied, à cheval, ou en canot, l'Argentine et le Chili, le Paraguay, la Bolivie, le Pérou, le Brésil sur l'Amazone. Ensuite, remontant par Obidas le Rio Trombetas, je me suis fixé dans le Tumuc Amac chez les Indiens Trios, où j'ai trouvé ce que je cherchais, l'oubli du passé défunt et enterré, et le calme et la sérénité d'une vie de liberté et de bonheur. Je suis marié avec une jeune Indienne. J'ai deux enfants et je ne désire rien. Je ne crains rien qu'une chose, c'est que les Européens, avec des pionniers tels que vous, ne viennent, sous prétexte de civilisation, nous apprendre à sourire en faisant la révérence, à mettre des gibus, des focoles, des souliers vernis, et sous prétexte de protection et de liberté, nous donner des lois. Oh, les lois, parlons-en, ah, pour nous oppresser et nous exploiter. Ah, je les connais, vos introducteurs d'ambassadeurs et vos mijaurées de salon qui minaudent et miaulent d'une façon si intéressante et si ridicule. Ah, et votre politique, et votre point d'honneur, et votre charité, qui laissent mourir de faim dans les rues de vos cités des hommes robustes et sains, alors qu'elles créent des hôpitaux pour les pauvres d'esprit, les infirmes et les enfants rachitiques. Oui, je les connais, tous vos préjugés, toutes vos lois, et aussi les généralités de votre prétendue science. Et la vénalité qui règne en souveraine partout, dans les temples comme dans la rue, au pied des autels comme au pied des trônes. Ici, rien de tout cela. La vie simple et primitive, suivant le simple bon sens et les lois naturelles. Les guerriers d'une même tribu, égaux entre eux, partagent tout en frères. Ils ont le culte des ancêtres et des esprits, comme vous vénérez vos saints, et ils adorent Dieu, qu'ils appellent le Grand Esprit. Ils sont esclaves de leurs paroles, et sont terribles dans la haine de leurs ennemis et dans la vengeance. La civilisation a pourtant de bonnes et douces joies, d'exquises et précieuses sensations d'art, ne serait-ce que dans la bonne musique, la belle littérature, la peinture, la sculpturale beauté. Les plus exquises sensations d'art, je les trouve toutes dans la nature. Je m'assis au bord de la cataracte, et la grande voix des eaux me ravit pendant des heures. Le chant de l'arada, qui ne se répète jamais dans le silence de la forêt, me pénètre d'un charme étrange. Tout se tait pour écouter quand l'arada chante, dit l'Indien. Les harmonieux concerts de la brise dans les palmes ou l'ouragan dans les hautes branches qu'il secoue et met en pleurs. Le vent qui rit, le vent qui pleure, le vent qui hurle et le vent fou, cela vaut bien du Saint-Saëns et du Wagner. Il se leva, fit quelques pas au dehors de notre toit de branches, et étendant le bras vers le couchant qui teintait la rivière de rose et d'améthyste, « Voyez tout cela, reprit-il, et trouvez-moi un peintre qui fasse mieux. » Comme, au lieu de regarder le paysage, je suivais attentivement ses gestes et cherchais à retenir son profil caractéristique, il dit « Mais je m'aperçois que votre vin de Bordeaux m'a quelque peu excité et je parle beaucoup trop. » « Et l'amour, lui dis-je, vous n'avez donc jamais aimé ou été aimé là-bas ? » Il eut un rire effrayant, tant il était douloureux. J'avais touché le point vulnérable. Il me tendit la main, serra la mienne que je lui tendis, et d'une voix mal assurée mais très noble, il prononça « Adieu, monsieur ». Il descendit la pente, rejoignit ses compagnons, fit mettre le canot à eau, et ils partirent comme ils étaient venus. Il me fit un « à demain » de la voix et du geste, et je le vis bientôt accosté à un îlot d'amont, au pied des rapides, où ils établirent leur campement. À l'aide de trois perches fixées au sol et assujetties ensemble par le bout supérieur, ils formèrent une sorte de trépied. Ensuite, dans les trois intervalles compris entre ces perches, ils attachèrent leurs trois hamacs pour s'y asseoir et s'y reposer le jour et y dormir la nuit, la face aux étoiles. Le lendemain, après une courte entrevue où nous fîmes échange de cadeaux, nous partions chacun de notre côté, lui vers la barbarie et moi vers la civilisation. Je le regardais s'éloigner sans hâte avec ses compagnons qui, sans sortir de leur pirogue, fléchaient des poissons dans l'eau limpide entre les roches. À un moment, pour nous saluer une dernière fois, l'un d'eux prit une trompe d'écorce et en tira des sons doux, pénétrants et plaintifs comme l'adieu désolé d'amis qui ne doivent plus se revoir. Nous nous laissions aller doucement au courant. Mes canotiers, silencieux et immobiles, écoutaient cette musique étrange qui s'atténuait, plus douce, dans l'éloignement. Et je me demandais, ému, si ce n'était pas lui, l'inconnu, qui avait raison, et moi, qui avais tort. La civilisation m'apparut alors, avec ses exigences, ses préjugés, ses croyances, et malgré son savoir, comme de la barbarie, plus ou moins déguisée. Ainsi s'achève, au pays des Indiens Trios, l'évadé, par Georges Brousseau.